بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد nous allons aujourd'hui tous ensemble inshallah avant donc de continuer faire une petite révision avant d'entamer le troisième chapitre du Kitab al-Sahr. فقد رأينا فيما يتعلق بموضع السجود ستة أقوال. On a vu concernant le moment durant lequel l'individu se prosterne, on a vu six avis. Avant le salam ou après le salam. L'avis donc de Al-Shafi'i. Avant Taslim. L'avis de Abu Hanifa. بعد التسليم. Après le Taslim. L'avis de l'imam Malik. Et donc, quand on a un oubli, on fait une diminution dans la prière, on se prosterne avant Taslim. Un rajout après Taslim. L'avis de l'imam Ahmed. Bah, Taslim. On s'arrête au texte dans les cas qui ont été rapportés. Non. Et sinon avant. Et donc, l'avis de l'imam Ahmed, tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'arrête au texte, c'est-à-dire les moments où il s'est prosterné avant Taslim, nous on se prosterne avant Taslim. Les moments où il s'est prosterné après, on se prosterne après. Mais par contre, s'il nous arrive quelque chose qui n'a pas été rapporté dans Sunna, on se prosterne avant Taslim. Et ça c'est aussi l'irtiyar de Sheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Et on a vu aussi l'avis de Al-Zahiriya. C'est Al-Zahiriya. Al-Zahiriya, la prosternation de l'oubli n'est permise que pour les causes pour lesquelles s'est prosterné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tu ne sors pas des textes. Si tu as un autre oubli, il ne t'est pas permis de faire la prosternation de l'oubli. Le dernier avis qu'on avait vu, c'était l'avis de... L'avis de qui ? Ishaq. Et c'est quoi son avis ? Il a fait un jam... Entre Malik et l'imam Ahmed. Il a fait donc un jam' et donc Ishaq ibn Rahouya, il a rassemblé entre l'avis de l'imam Malik et l'imam Ahmed. Et donc, on dit quoi quand on rassemble ? Qui lui souffle ? Aïwa. Et donc, tout ce qu'il y a un texte, on suit le texte. Et s'il n'y a pas de texte, à ce moment-là, si c'est un oubli et une diminution de la prière, avant. Si c'est un rajout, après. Voyez, c'est bon? Et après cela, on avait dit que toute cette divergence ne concerne que l'afdaliya. C'est-à-dire que c'est ce qui est mieux. Les savants, ils ont divergé, est-ce que c'est mieux de faire comme ça ou comme ça? Mais par contre, ils disent que si tu te prosternes avant ou après, ejzeek, ça te suffit. D'accord? طيب فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. Le chapitre concernant le fait de passer le salam, donc de faire le taslim, après deux unités de prière. Excusez-moi, c'est la page 36. À la page 36. Donc le chapitre concernant la personne qui va faire le taslim après deux unités de prière ou trois. Elle n'a pas fini sa prière. Elle va faire deux unités de prière ou trois, puis accomplit les deux prosternations de sahou, donc de l'oubli, de la même façon qu'il fait les prosternations durant la prière ou un peu plus long. Et ensuite il nous dit l'imam al-Bukhari حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم صلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. Et donc l'imam al-Bukhari, il nous cite la chaîne de transmission jusqu'à Abu Hurayra radiallahu anhu. Premièrement, ce hadith, il a été rapporté Fakad Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ce hadith a été rapporté par al-Bukhari et Muslim. An Abi Hurayra radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec eux al-Dhuhr ou al-Asr. Al-Dhuhr ou al-Asr. Dans certaines riwayas, dans Sahih al-Bukhari, c'est stipulé al-Dhuhr. Wa fi riwayat ukhra fi Sahih Muslim al-Asr. Duna shak. Et donc ici, il y a un doute. Al-Dhuhr ou al-Asr. Dans certaines narrations, dans Sahih al-Bukhari, c'est stipulé al-Dhuhr, sans aucun doute. L'auteur, le narrateur, il cite al-Dhuhr. Dans d'autres narrations, dans Sahih Muslim, al-Asr. Et donc, c'est quelle prière? Ici, il y a un doute. Certains savants, qu'ala ba'du al-ulama, ja'a hadha ash-shak min Abi Huraira. Certains savants ont dit que c'est Abu Huraira ici qui a douté. D'autres ont dit non, il y a eu un débat sur le sujet. Mais il y a d'autres compagnons qui ont cité cette histoire. Il n'y a pas que Abu Huraira. Il y a aussi Imran. Imran, il a cité cette histoire. Wa jami'u ar-ruwat yani Imran dhakaruha 'asran. Et tous les rapporteurs qui l'ont cité de Imran, ils ont dit que cette prière était la prière du Asr. Ils n'ont pas divergé. Contrairement à ce qu'on peut voir pour donc ce qui a été rapporté de Abu Huraira, où là il y a une divergence. Et donc, Ibn Hajar, il nous dit que l'avis le plus juste, à ce moment-là, si on dit que c'est une seule histoire, que ça s'est passé une seule fois, à ce moment-là, ça s'est passé pour la prière du Asr. Pourquoi est-ce que je vous cite ça? Parce que on a ici des rapporteurs qui divergent. Fi hadhihi al-qissa ikhtalafa ar-ruwat. Fa ba'du al-juhal yatasarra'un fayahkumuna 'ala hadithin bidha'f li'anna ar-ruwat ikhtalafu. Et donc certains ignorants, ils vont se précipiter et ils vont juger un hadith en disant qu'il est faible parce que les rapporteurs, les narrateurs ont divergé. Je vous pose une question. Est-ce que la divergence ici, salat al-dhuhr ou al-asr, est-ce que ça a un impact sur le hadith? Non. Et donc ce n'est pas toutes les fois que les narrateurs vont diverger que ça va entraîner le fait que le hadith sera faible. Faites attention à cela. Je me rappelle un individu que j'avais rencontré. J'essayais de lui expliquer. Anna Allah ala arshihi stawa. Donc j'essayais de lui expliquer que Allah s'est établi sur son trône. Non, on ne peut pas dire ça, il me disait. Allah fi kulli makan. Il me dit Allah il est partout. Je dis alors je cite certains versets et après j'arrive au hadith al-jariya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande à une femme Ayna Allah? Elle dit fi sama. Il m'a dit le hadith da'if. Je dis pourquoi? Ikhtalaf ar-ruwat. Tout de suite. Ikhtalaf ar-ruwat. Et donc toi, il faut que tu saches que c'est pas à chaque fois que les rapporteurs vont diverger sur un hadith que ça veut dire que le hadith il est faible. Et ici, on a un très bon exemple. Cette divergence n'a aucun impact sur le hadith. Al-Dhuhr ou Al-Asr, c'est deux prières qui ont quatre unités de prière. C'est fini. Que ça soit Al-Dhuhr ou Al-Asr, ça n'a rien changé. Tayyib. Et donc comprenez bien cela. Et encore une fois, ça nous montre l'importance de ne pas délaisser cette science, la science du hadith, car c'est par cela que veulent, que c'est par cela, c'est par cette porte-là que les gens de l'égarement essaient de repousser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois, pour ceux qui lisent des livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, à chaque fois qu'on aborde un sujet dans l'aqida, tu leur amènes une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith fi sahihain? Non. Ils vont essayer de trouver une ambiguïté pour te dire que c'est da'if. Il faut donc que tu t'armes, que tu aies les capacités, que tu aies les bagages pour pouvoir défendre ta religion, pour pouvoir défendre la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Faqala lahu dhul yadayn. As-salatu ya Rasulallah. Elle n'en poussat. Alors dhul yadayn, ce qu'on peut traduire par celui qui a les deux mains, le possesseur des deux mains, dhul yadayn, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière, ô messager d'Allah, est-ce qu'elle a diminué? Parce qu'ils ont prié, ils ont accompli deux unités de prière. Et donc, ô messager d'Allah, est-ce que la prière a diminué? Zuliyadayn, il a été appelé comme cela parce qu'il avait de longues mains. Il avait de longues mains. Il a été appelé comme cela. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم s'est donc tourné vers ses compagnons et leur a dit: est-ce que ce qu'il dit est vrai? قالوا نعم. Ils ont dit oui. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. Et après cela, le prophète, il a donc accompli deux autres unités de prière et il s'est prosterné, il a accompli la prosternation de l'oubli. فهذا الحديث دليل على أن المسلم إن نسي فصلى ركعتين أو ثلاثة في الظهر ثم نبه فتنبه بعد الصلاة فلا يعيد الصلاة كلها وإنما يتم الصلاة ويسجد للسهو ولو تكلم في ذلك. Et donc ce hadith est une preuve que le musulman, s'il oublie durant la prière, il accomplit deux unités ou trois unités pour la prière du Zohar al-Asr, par exemple. Et qu'ensuite, on lui informe de son oubli après qu'il ait fini la prière. Alors, à ce moment-là, il ne lui est pas obligatoire de recommencer la prière entièrement. Tu as prié, tu as oublié, on t'a dit, tu as oublié une raka. Ah bon? À ce moment-là, il n'était pas obligatoire de recommencer la prière entièrement. Tu continues ta prière. Et ensuite, tu fais la prosternation de l'oubli. Même si tu as parlé entre-temps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé ici avec Zuliyadayn. Lorsque Zuliyadayn, il lui a dit, alors il s'est retourné vers les compagnons, il a dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Cette parole ne fait pas partie de la prière. Et donc, les savants, ils disent que même si tu as parlé, certains savants ont précisé si c'est une parole qui concerne la salat. Est-ce que j'ai prié? Ah bon, je ne suis pas sûr, etc. Il n'y a pas de mal. Tu te lèves, tu termines ta prière, et après cela, tu fais les deux prosternations de la distraction. Et ce sujet est important. Parfois, même des toulab al-ilm, même des étudiants, tu les vois qui se trompent dans ce sujet. Et donc, il est important, les frères, de ne pas nous mettre des difficultés là où il n'y en a pas. On le dit tout le temps, cette religion est facilitée, alhamdulillah. Allah tabaraka wa ta'ala, elle t'a facilité. Ta prière, elle ne t'est pas obligatoire de la recommencer entièrement. Juste, apprends les règles. Apprends les règles. Afin de pouvoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance. Et ensuite, l'imam al-Bukhari, il continue et il nous dit qu'il est Sa'adoun. Sa'ad, il dit. Sa'ad, il fait partie des rapporteurs qui ont été cités dans la chaîne de transmission. Ra'aytu Urwa ibn Zubayr salla min al-Maghribi rak'atayn. فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc Saad il nous dit: j'ai vu Urwa ibn Zubayr qui a accompli la prière du Maghrib en deux unités de prière. Il a accompli la prière du Maghrib en deux unités de prière, puis il a fait le taslim et il a parlé. Il a fait le taslim, puis il a parlé, puis il a prié et il a accompli, donc il a parachevé sa prière et ensuite il a fait deux prosternations de l'oubli, puis il a dit, et c'est comme cela qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un problème ici? Non. Là. Est-ce qu'il y a un problème ici? Non. Quand je vous dis, à chaque fois je dis, c'est important de connaître qui sont les compagnons, qui sont les compagnons, qui sont les compagnons. Al-Urwa ibn Zubayr, il nous dit ici, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Est-ce qu'il a rencontré le prophète? Ah. Est-ce qu'il a rencontré le prophète? Et donc, les savants du hadith, ils ont abordé ce sujet. Ce hadith, il est authentique parce qu'il a été rapporté dans tous les cas. Cette histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé, puis il a parachevé sa prière et il a fait les prosternations de l'oubli. C'est authentique. Il n'y a pas de doute sur ce sujet. Mais maintenant, cette parole de Urwa, qui n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants ont abordé ce sujet. Est-ce que on accepte ou pas? Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'une personne et de confiance, que ça veut dire qu'on accepte tout ce qu'elle dit. S'il ne cite pas sa source, tu ne prends pas. S'il ne cite pas sa source, tu ne prends pas. Parfois, les gens, ils viennent, ils te citent quelque chose, tu lui demandes, où as-tu pris ça? Ah, mais c'est un tel qui me l'a rapporté. Mais il l'a pris où? Mais c'est un tel, il est bien, lui, il est bien. Mais il l'a pris où? Il est bien, il est bien. Tu dis, subhanallah, l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik. Les savants n'ont pas accepté de lui lorsqu'il disait, balaghana. Lorsqu'il disait, il nous a été rapporté que. Tu ouvres le Muwatta de l'imam Malik, tu le feuilles, tu vas feuilleter le livre, le Muwatta de l'imam Malik, et parfois tu vas voir, waqad balaghana, il nous a été rapporté que. Balaghana, il nous a été rapporté que. À tel point que des livres ont été écrits concernant balaghat Malik. Les fois où Malik, il a dit balaghana, il nous a été rapporté que. Sans citer qui lui a rapporté que. L'importance que les savants accordent aux sources. Tous ces messages qu'on reçoit parfois, sans source. Un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que. C'est marqué où? Où? On l'a vu où? Et les frères, ils propagent. Ah, une fatwa de qui? De Cheikh Ben Bez. Où tu l'as prise? Allahu alam. Je sais pas. Et c'est comme ça. Dans plein de sujets. Aqida, fiqh, plein de sujets. Combien d'articles les gens propagent et nous envoient sans source? Sans source, les vidéos, on n'en compte même pas. Et donc faites attention les frères, à la science que vous propagez. Nos pieux prédécesseurs, ils faisaient attention à cela. Même si ici, c'est Urwa qui nous rapporte cela, un fils de compagnon, les savants, ils ont quand même abordé le sujet. Subhanallah. Alors que dire de nous-mêmes? Ensuite, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit... بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَدُ فِي سَجْدَتَي يَسْتَهُ. Le chapitre concernant celui qui ne fait pas le tashahhud durant la prosternation de l'oubli. Et donc, ici on aborde un sujet, est-ce que il faut faire le tashahhud quand tu fais سَجْدَتَي يَسْتَهُ? Mais ce qui est voulu par là, ce n'est pas le tashahhud avant le taslim, c'est-à-dire... Ce n'est pas le tashahhud quand tu fais la prosternation avant le taslim. Parce que ça, el-jumhur ala annahu laysa hunak tashahhud. La grande majorité des savants, ils voient que il n'y a pas de tashahhud si tu fais la prosternation de l'oubli avant le taslim. Maintenant, la divergence, elle arrive quand? Quand tu fais la prosternation de l'oubli après le taslim. Tu as oublié, tu t'es rappelé pendant la prière, tu finis ta prière, tu fais taslim, prosternation de l'oubli, avant de refaire ta slim, est-ce que tu fais ta shahoud ou pas? Elle est là. Wa sallama Anas wal Hasan wa lam yatashahhada wa qala Qatada la yatashahhad. Et Anas, le compagnon du prophète, et Anas ainsi que le Hasan, ils n'ont pas fait le tashahhud. Et Qatada a dit, il n'y a pas de tashahhud. La yatashahhad. Il ne fait pas le tashahhud. Et ensuite Al-Bukhari il continue en disant, haddathana Abdullah ibn Yusuf. قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب ابن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين. Et donc ici Al-Bukhari il nous cite la même histoire mais avec une autre narration qui stipule que selon Abu Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a accompli la prière et qu'il l'a fini au bout de deux unités. Au bout de deux unités de prière. فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاتُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Alors, ذُو الْيَدَيْنِ lui dit, est-ce que la prière a été diminuée ou alors tu as oublié au messager d'Allah? La compréhension. Donc ici, il y a deux possibilités. C'est soit le prophète il a oublié, soit on est dans la période toujours de législation et il y a une diminution de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant Est-ce que Dhul Yadayn a dit la vérité? Fekol al-Nas na'am. Fekom al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait sallat natayn ukhrayayn. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il a accompli deux unités de prière. Thumma sallam. Puis, il a fait le taslim. ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم Rafa. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le takbir, il s'est prosterné de la même façon qu'il se prosternait auparavant, ou plus, et ensuite il s'est levé. Ce hadith, c'est une preuve pour qui? Dans la divergence qu'on a vue avant, hier, les 6 avis qu'on a cités. Ce hadith, c'est une preuve pour qui? Pourquoi Malik? Après. Et donc, Malik, il nous a dit qu'on fait la prosternation de l'oubli après, si c'est un rajout. Mais là, le prophète, il a oublié. Z ou oublié? Là, ils nous disent qu'il a, il s'est levé au bout de 2 unités de prière. Et donc, c'est un oubli ou un rajout? Il n'a pas fait tâcheur, il a diminué. Z est Asliman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au final, il a rajouté. On comptabilise en tout. Parce qu'il faut tout comptabiliser. Il a oublié. Il a donc fait un tachahout. En plus, il a fait taslim. Et après, on lui a dit. Alors, il a repris 2 unités de prière. À la fin, il a refait un tachahout. Et il a refait un taslim. Et donc, au final, quand tu comptabilises le tout, il a rajouté. Il a le taslim en plus. Et donc, ce hadith est une preuve pour Abu Hanifa et Malik. Abu Hanifa et Malikiya. D'accord? On a compris ou pas? Attention, ça. On n'a pas fini encore. Tayyib. وهذا الحديث دليل على عدم وجود التشهد. Ce hadith est une preuve montrant qu'il n'y a pas de tashahhud. Il n'y a pas de tashahhud. وقال بعض المالكية والشافعية ونقل عن أحمد إنه يتشهد أو أنه يتشهد. Il y a certains savants du madhhab maliki et shafi'i, et cela était aussi rapporté de l'imam Ahmed que il faut faire le tashahhud. Quand tu fais la prosternation, à quel moment? Après. Et donc, cette divergence qu'on aborde là, c'est quand tu fais la prosternation après le taslim. Avant le taslim, non. Maintenant, après le taslim, est-ce que tu fais la prosternation? L'avis le plus juste, c'est que non. Pourquoi? Le hadith nous montre ici qu'il n'y a pas de tashahhud. Cependant, ici, il y a un sujet qui est important. Al-Bukhari, il nous dit, Haddathana Sulayman ibn Harb. Haddathana Hamad. عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تتشهد قال ليس في حديث أبي هريرة. Et donc il nous cite Al-Bukhari rahimahullah avec la chaîne de transmission jusqu'à Salama qui dit j'ai demandé à Muhammad. Muhammad ici c'est Muhammad ibn Sirin. Il dit j'ai demandé à Muhammad ibn Sirin concernant les 2 prosternations de l'oubli. Est-ce que tu fais le tashahhud? Mohammed ibn Sirin, il dit, il n'y en a pas dans le hadith de Abu Huraira. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Il n'a pas dit, je ne le fais pas. Il a dit, il n'y en a pas dans le hadith de Abu Huraira. Donc il n'y a pas de tashahhud. Donc il n'y a pas de tashahhud. Pas du tout. Il y a peut-être d'autres versions où il y en a. Ah, barakallahu fik. Certains savants ont dit, le hadith ici, avec la parole d'Ibn Sirin, n'est pas une preuve qu'il n'y a pas de tashahhud. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas de tashahhud. Il a dit qu'il n'y en a pas dans le hadith de Abu Huraira. Et ça montre qu'il y en a dans un autre hadith. Akhraj Abu Daoud, wa Tirmidhi, bi isnadihima, an Ibn Sirin, bi isnadihi, ila Imran Ibn Hussein, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla bihim, fasaha. فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. Abu Daoud a cité dans son recueil, ainsi que Tirmidhi, avec leur chaîne de transmission jusqu'à Ibn Sirin. Pour enlever toutes les difficultés, je ne vais pas citer la chaîne de transmission. Juste retenez que les 2 chaînes de transmission vont jusqu'à Ibn Sirin. Puis Ibn Sirin cite sa chaîne de transmission jusqu'à Imran ibn Hussein. Qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli la prière avec eux, et qu'il a oublié, puis il a parachevé sa prière, Il a fait les deux prosternations de l'oubli et ensuite il a fait le tashahhud. Et ensuite il a fait le taslim. Tu dis quoi? Alors, hein? Peut-être d'arrive. La chaîne de transmission. J'aime bien maintenant, on commence à... Maintenant, les gens, ici, ils ont pris l'habitude maintenant, à chaque fois, la chaîne de transmission. La chaîne de transmission. Et ça, c'est une bonne habitude, alhamdoulilah. Avant, il faut toujours vérifier la source. Est-ce que le hadith, il est authentique ou pas? Tayyib. Wa hadha al-hadith da'afahu al-Bayhaqi wa Ibn Abd al-Barr. Ce hadith a été jugé faible par al-Bayhaqi ainsi que Ibn Abd al-Barr. لأن الذي ذكر هذه الرواية عن ابن سيرين هو الأشعث. Parce que celui qui a cité cette narration d'Ibn Sirin, qui cite le tashahhud, c'est Al-Ash'ath. Wa al-huffaz alladhina rawaw hadha al-hadith 'an Ibn Sirin lam yadhkuru at-tashahhud. Et tous les rapporteurs qui ont cité ce hadith d'Ibn Sirin, ils n'ont pas cité le tashahhud. Il n'y a que Al-Ash'ath. Et on reprend l'exemple que je vous ai déjà donné plusieurs fois. Plusieurs fois, je vous ai dit, bon les frères, on est ici pendant le cours, et je vous dis, j'ai enregistré le cours avec mon appareil. On sort. Tous, vous dites, le frère Abdelkarim, il a dit qu'il a enregistré le cours avec son appareil. Et là, on a notre frère Ibrahim, il nous dit, Abdelkarim, il a dit qu'il a enregistré le cours avec son appareil, plus le portable. On va dire qu'il y a un problème ou pas? Oui, un problème. Comment ça se fait que tous, ils ont entendu son appareil et notre frère, un frère, il vient en nous disant son appareil plus le portable. Et c'est là que les savants vont venir, ils vont dire Al-Ash'ath est le seul qui a rapporté ce hadith en parlant du tashahhud. Tous les autres ne l'ont pas rapporté. Ils vont donc dire cette narration est faible. Est-ce que vous avez compris? Alhamdulillah. Et donc, on continue. Idan, et donc ce hadith, il est faible. Il n'y a donc pas de tashahhud. Il n'y a donc pas de tashahhud après la prosternation de l'oubli. Wa li dhalika, zakara al-imam ibn Baz, rahimahullah, annahu laysa fi tashahhud, fi sujoud as-sahwi tashahhud. Et c'est pour cela que l'imam ibn Baz, rahimahullah, il a dit que il n'y a pas dans la prosternation de l'oubli de tashahhud. Et le dernier hadith qu'on va voir ce soir, c'est toujours le même hadith. Je vous ai dit donc que l'imam al-Bukhari, il le cite trois fois d'affilée. Et là, on voit le fiqh, la compréhension de l'imam al-Bukhari. Il te cite un hadith, il va te le répéter plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il veut te faire comprendre quelque chose de précis. Je te le cite une fois, à ce moment-là, on va parler de tel sujet. Une deuxième fois, on va parler de tel sujet. Et là, on va parler de tel sujet. Et donc, l'imam al-Bukhari, cela nous montre l'erreur, encore une fois, qu'on va encore reciter, l'erreur de ceux qui nous disent « C'est un muhaddith, ce n'est pas un faqih. »« C'est un muhaddith, ce n'est pas un faqih. » Non, cet homme est un muhaddith faqih. Et donc il nous dit « Babu man yukabbiru fi sajdatayhi sahu » Le chapitre concernant celui qui fait le takbir pour les deux prosternations de l'oubli. C'est-à-dire le takbir. Hein? Takbirat al-ihram, barakallahu fik. La divergence, elle est là. Tu finis ta prière. Tu finis ta prière. Tu as déjà fait ta taslim. On te dit que tu as oublié quelque chose. Et donc, tu dois rattraper ce que tu as oublié. Tu as oublié un rukn. Tu as oublié une unité de prière entièrement. Tu dois rattraper une unité de prière. Est-ce que tu dois faire takbirat al-ihram ou pas? Ou alors, tu te suffis juste du takbir pour la prosternation. On a déjà vu le hadith. Miftah ou salat. Et tuhur. La clé de la prière, c'est la purification. Et sa sacralisation, c'est et takbir. Et donc là, est-ce que tu vas rentrer dans la prière sans faire takbir ihram, mais directement avec le takbir de la prosternation? Elle est là, la divergence. Et donc, il nous cite le hadith avec la chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira. Radiallahu anhu, qala salla an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ihda salatayhi al-'ashi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli une des deux prières de l'après-midi. Qala Muhammad wa aktharu dhanni al-'asr. Et donc Muhammad ibn Sirin, il nous dit que je pense plus que c'est al-'asr. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli al-asr à raka'atayn thumma sallam, en accomplissant deux unités de prière, puis il a fait le taslim. Thumma qama ila khashabatin fi muqaddam al-masjid fa wada'a yadahu 'alayha. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé vers un morceau de bois et qui est un morceau de bois qui était à l'avant de la mosquée et il a mis ses deux mains dessus. Wa fihim Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma. Il y avait parmi eux, parmi les personnes qui étaient présentes, Abu Bakr et Umar radiyallahu anhuma. Fa haba an yukallima. Et donc les deux, Abu Bakr et Umar, ils étaient gênés, ils ont eu peur de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kharaja sur'anun nas. Et donc les gens qui sur'anun nas, ce sont les personnes qui partent tout de suite après la prière. Tu finis la prière, parfois certains ont des occupations, ils partent tout de suite après. Et donc ces personnes-là sont parties. Fa qalu aqsurat as-salat. Les gens ont dit, est-ce que la prière a diminué? وَرَجُلٌ يَدْعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ذُو الْيَدَيْنِ فَكَوَلَ أَنَسِيْتَ أَمْكَسُرَتْ. Donc les gens, ils se disaient entre eux, est-ce que la prière, elle a diminué? Et un homme appelé ذُو الْيَدَيْنِ, il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم, est-ce que tu as oublié? Ou alors la prière a été diminuée? Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a répondu en disant, لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْسَرْ. Il a dit, je n'ai pas oublié, et la prière n'a pas été diminuée. Pourquoi? Parce que pour lui, il a prié 4 unités. Je n'ai pas oublié et la prière n'a pas été diminuée. Alors là, il a répondu Zuliyadin, Bel Nasit. Au contraire, tu as oublié. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit au contraire, la prière a été diminuée? Pourquoi est-ce qu'il a dit tu as oublié? Par rapport à la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a deux possibilités. C'est soit il a oublié, soit elle a diminué. Et là, le prophète, il a nié le fait qu'elle a prière, elle a diminué. Il ne reste qu'une seule possibilité, c'est qu'il a oublié, même si il a nié le fait qu'il a oublié. Pourquoi? Parce que il ne s'est pas rendu compte justement de cela. C'était la seule possibilité. Et donc, Zuliyadin qui lui dit, au contraire, tu as oublié. Fais sol la rakatein, thumma sallam. Et donc, il a accompli deux unités de prière, puis il a fait le taslim. Thumma kabbara fais sajada mithla sujoudihi au atwal. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli deux unités de prière, puis il a fait le taslim, puis il a prononcé le takbir. Donc, puis il a prononcé le takbir et s'est prosterné de la même façon qu'il le faisait avant ou plus long. Ensuite, il a levé sa tête et a prononcé le takbir. Puis il a refait descendre sa tête pour la deuxième prosternation et il a fait le takbir. فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرْ. Et ensuite, et donc, à ce moment-là, il s'est prosterné comme il le faisait d'habitude ou plus long et ensuite, il a levé la tête et a fait le takbir. Ce hadith est une preuve pourquoi? Ce hadith montre quoi? On fait le takbir ou on fait pas le takbir? Je parle de takbiratul ihram. Là, tu sais pas. Ici, dans le hadith, il est montré qu'il a fait qu'un seul takbir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si il y avait takbiratul ihram ici, il y en aurait fait deux. Il aurait fait takbiratul ihram, après qu'on lui parle, après qu'il se rend compte qu'il a oublié, il fait takbiratul ihram, puis takbiratun pour la prosternation, et ensuite il se prosterne. Mais là, il a été cité qu'il a fait le takbir et il s'est prosterné. Donc, une seule fois, il a fait le takbir, sallallahu alayhi wa sallam. Feljumour, la grande majorité des savants, ils voient que une seule prosternation suffit. Un seul takbir suffit. Le takbir de la prosternation. L'imam Malik, il a été rapporté de lui qu'il voit que le takbiratul ihram est une condition. Pourquoi? Parce que tu re-rentres dans la salat. Il te dit, l'imam Malik, à la fin de la prière, lorsque tu as fait la prosternation de l'oubli, tu refais le taslim. Refais le taslim lorsque tu as fait la prosternation de l'oubli. Tu refais le taslim. De la même façon, tu refais le takbir. Et donc, il va faire un qiyas ici. De la même façon que tu as fait le taslim à la fin, tu fais le takbir au début. Mais comment est-ce que tu vas répondre à cela, à cette argumentation? Pas de kiyas. Voilà. Il n'y a pas de kiyas quand il y a un texte. Le texte, il est venu, il n'a pas cité de kiyas. il n'y a pas de qiyas où il y a un texte. Le texte n'a pas cité de takbir, on ne fait pas de takbir. Après, vous allez me dire, mais Abu Daoud a cité le même hadith dans son recueil. Et il a dit, « Fakabbara thumma kabbar ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le takbir, puis il a fait le takbir. Chaîne de transmission. Fait quoi les Abu Daoud ? Abu Daoud lui-même, après avoir cité ce hadith, Abu Daoud lui-même, il nous dit « Lam yakul kabbara thumma kabbar illa Hammad ibn Zayd ». Il nous dit « Il n'y a que Hammad ibn Zayd qui a rapporté ce hadith en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le takbir, puis il a fait le takbir ». Et donc on revient au même sujet du téléphone avec la narration d'Ibrahim. Ok ? Est-ce que c'est compris ? Et donc il y a aussi dans ce hadith un sujet important, et on va clôturer avec ça, inshallah ta'ala. Deux sujets importants. Anna al-anbiya yusabuna bis-sahw. On l'a vu plusieurs fois, l'imam al-Bukhari, il a donc cité ce hadith plusieurs fois. Et plusieurs fois, donc, on le voit clairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché donc par l'oubli durant la prière. Et donc, que dire de nous-mêmes ? Nous aussi, nous pouvons être touchés par l'oubli pendant la prière. Voilà pourquoi toi, musulman, tu dois apprendre ces règles-là. Certains disent, mais c'est difficile, la prosternation de l'oubli, etc., etc. Ce n'est pas si difficile que cela. Surtout que, comme on a dit, la plus grande divergence qu'il y a sur le sujet, c'est est-ce que la prosternation, elle est avant ou après. Le reste, c'est simple. Et ce sujet-là, ça concerne l'afdaliya. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux ? Et donc, les frères, ne négligez pas ce sujet. Et je reviens encore une fois pour vous dire, apprenez bien les conditions de la prière, les obligations, les piliers et les sunnans. Vous devez faire la distinction entre tout ça. Vous devez faire la distinction entre tout cela. Autre point donc qu'il y a dans le hadith, tu oublies dans ta première unité de prière, al-Fatiha. Fatiha, c'est une sunna ? Non, un ruk, ok. Et donc, tu as oublié un ruk dans ta première unité de prière. Dans ta deuxième unité de prière, tu oublies un rukwa. Tu oublies l'inclinaison. À la fin, tu fais quoi ? La prière, combien ? Les deux unités. Les deux unités sont annulées. Donc tu rattrapes les deux unités. On est d'accord ? Et à la fin, est-ce que tu fais sujoud de sahou, la prosternation de l'oubli pour chaque unité. Parce que là, t'as pas oublié une fois. T'as oublié deux fois. Non, une seule. Une seule fois. Une seule, ça suffit. Ce hadith est une preuve que tu le fais une fois, ça suffit. Pourquoi ? Parce que le prophète, il a oublié deux unités de prière. Il a oublié deux unités de prière et il n'a fait la prosternation de l'oubli qu'une fois. Il a fait deux prosternations de l'oubli pour deux unités de prière. Il n'en a pas fait quatre. D'accord ? Et donc, ce n'est pas à chaque fois que tu vas oublier quelque chose et à la fin tu te dis, je vais faire prosternation de l'oubli pour chaque chose que j'ai oublié. Pour chaque chose que j'ai oublié. Maintenant, un autre sujet, tu as oublié la prosternation de l'oubli. Tu as su que tu as loupé quelque chose. Et à la fin, tu l'as rattrapé. Puis, tu es parti et tu as oublié la prosternation de l'oubli. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le fais au moment où tu te rappelles. Tu le fais au moment où tu te rappelles. Même si c'est long. Ah, c'est là qu'on va voir la divergence. Certains savants vont nous dire, même si c'est long, tu le fais. Pourquoi ? Parce que le prophète, il l'a fait. Et il n'a pas cité de temps. Et donc, même s'il y a un long moment, tu le fais. D'autres savants, ils nous disent, non, ici, il n'y a pas eu une longue durée dans le hadith. Il n'y a pas eu une longue durée. Et donc, il n'y a aucune preuve qui nous montre qu'avec une longue durée, tu peux le faire. J'ai déjà vu un frère qui a oublié sujoud as-sahw. Il a posé une question à un émir à Médine devant moi. Il a oublié sujoud as-sahw trois fois pour la même prière. Il s'est rappelé qu'il a oublié quelque chose. Il s'est dit à la fin, je fais sujoud as-sahw. J'ai oublié. Je me suis levé. Je suis parti. En sortant de la mosquée, je me suis rappelé que j'ai oublié sujoud as-sahw. Alors, je me suis dit, quand j'arrive à la maison, vu que j'habite à côté de la mosquée, je rentre et je fais sujoud as-sahw directement. Je suis rentré chez moi. J'ai oublié. Il arrive devant le cheikh et dit, je fais quoi ? وَالصَّحِيحُ أَنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَ. Et donc, ce qui est juste, c'est que sa prière, elle est correcte. sa prière est correcte. Donc maintenant, comme on a vu, donc la divergence, c'est à partir du moment où il a oublié et que la période a été d'une longue durée. Est-ce qu'il se prosterne ou pas? Donc certains vont dire oui, il se prosterne, et d'autres vont dire non, il n'y a pas de prosternation, et sa prière elle est authentique, et sa prière elle est correcte. On va arrêter là pour ce soir, on va continuer demain, Inch'Allah, avec le hadith de Dhul Yadayn. Il reste quelque chose de très important concernant ce hadith, que je n'ai pas cité, mais on va éviter de faire trop long. Et on termine le chapitre demain, biiznillahi ta'ala, waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.